Je me promène sur la route avec mes doutes et mes soucis. Je me promène sur la route avec mes joies, avec mes doutes. Je chante les notes avec les soupirs, le rythme interdit. Je me promène sur la route avec mes doutes, avec ma vie. Je me promène sur la route avec mes joies et mes soucis. Je me promène sur la route avec mes rêves oubliés. Je chante les notes avec les soupirs, le rythme interdit. Je pense à toi avec le ciel bleu et les oiseaux. Je me promène sur la route avec mes doutes et mes soucis. Je me promène sur la route avec mes joies. C'est réussi. Je me promène sur la route avec un air joyeux et quelques notes. Je me promène dans ce monde, j'y pense plus, je suis heureux. Heureux.